إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، donc on va continuer inshallah sur l'explication du livre de l'unicité de l'imam al-Bukhari رحمه الله تعالى. Et on est toujours sur l'étude du chapitre concernant le verset où Allah Jalla wa Ala nous enseigne qu'il a créé les cieux et la terre bilhaq. Et l'auteur, l'imam al-Bukhari, après avoir cité ce verset en guise d'intitulé à ce chapitre, comme on l'a vu dans ce qui a précédé, ensuite l'auteur a cité un hadith. Et ce hadith, c'est le hadith qu'on est en train d'expliquer et d'étudier. C'est ce hadith où le prophète, alayhi salatu wassalam, invoquait Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il se levait la nuit pour prier. Donc lorsqu'il se levait la nuit pour adorer son Seigneur, donc le prophète sallam invoquait Allah jalla wa ala. Et en l'occurrence, parmi les invocations par lesquelles il invoquait Allah, cette invocation qu'on est en train d'étudier, qu'a mentionné l'imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Donc on va continuer sans plus attendre inshallah sur l'explication des sens et des enseignements et des leçons que renferme cette invocation et ce hadith qui est immense. Et donc la fois dernière, on avait commencé à expliquer le début de l'invocation. On avait expliqué que le prophète sallam commence cette invocation en faisant les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala, en lui disant lakal hamd, Allahumma lakal hamd, au Seigneur appartiennent, à toi t'appartiennent toutes les louanges. Donc de cette manière, le prophète sallam faisait les louanges d'Allah en disant Allahumma lakal hamd, à toi appartiennent toutes les louanges. Ensuite il disait anta rabbus samawati wal ard, tu es certes le Seigneur des cieux et de la terre. Donc on avait expliqué cela la fois dernière. Et ensuite le prophète sallam réitérait les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala en disant lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ard, au Seigneur à toi appartiennent toutes les louanges et tu es le qayyim des cieux et de la terre. Donc je reste sur le terme en arabe qayyimus samawati wal ard. Pourquoi? Parce que la fois dernière on a explicité cela, on l'a bien expliqué en français, donc à présent on peut rester sur le terme en arabe. Et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après qu'il ait fait les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala, et après qu'il fait l'éloge d'Allah subhanahu wa ta'ala en disant que Allah jalla wa ala est le Seigneur des cieux et de la terre, et qu'il est qayyim as-samawati wal ard, des cieux et de la terre aussi, après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fit ses éloges à Allah subhanahu wa ta'ala, ensuite il dit anta nuru as-samawati wal ard, et tu es certes la lumière des cieux et de la terre. Donc cela, on l'a expliqué dans la dernière allocution. Ensuite, le prophète sallam a mentionné six choses dans cette invocation. Donc, ce qui a précédé, on l'a expliqué dans la dernière allocution, dans le dernier cours. Ensuite, on s'est arrêté, la fois dernière, sur la partie de l'invocation où le prophète sallam dit « Ta parole est vérité, ta promesse est vérité, ta rencontre est vérité, le paradis est vérité, l'enfer est vérité et l'heure est vérité. » Et donc effectivement, le prophète sallam a évoqué six choses. Six choses. Premièrement, la parole, la promesse, la rencontre, le paradis, l'enfer et l'heure. Donc il a évoqué ces six choses. Il a réitéré à chaque fois pour ces six choses la vérité. Ta parole est vérité, ta promesse est vérité. Donc à chaque fois, le prophète sallam a réitéré ce terme qui est al-haqqu, la vérité. Et donc Cheikh Ibn Uthaymeen, dans son commentaire, il explique que le prophète sallam aurait pu se restreindre à mentionner, évoquer les six choses et à la fin dire que ces six choses-là sont vérité. Mais le prophète, ensemble, à chaque fois a réitéré le terme vérité en disant que ta parole est vérité, ta promesse est vérité, ta rencontre est vérité, ton paradis est vérité, l'enfer est vérité, l'heure est vérité. Et ce n'est pas en vain que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala de cette manière. Pourquoi? Puisqu'on a dit, on est dans un contexte d'invocation. Et lorsqu'on est dans un contexte d'invocation, alors il est bon de s'approfondir. Pourquoi? Parce que dans cette invocation, on fait l'éloge du Seigneur, subhanahu wa ta'ala, donc on fait l'éloge d'Allah. Et plus on s'approfondit dans nos éloges, plus ces éloges-là ont de la valeur et de la grandeur. De ce fait, dans de telles circonstances, dans un contexte d'invocation, d'éloge, alors il faut s'approfondir. Et de ce fait, le prophète sallam s'est approfondi de cette parfaite manière. De ce fait, c'est pour cela que les invocations du prophète sallam, il faut les apprendre, il faut les méditer, il faut réfléchir sur les invocations du prophète sallam et essayer de comprendre les sens et les enseignements que renferment ces invocations. Comme on va le voir ici, on voit qu'il y a de nombreux enseignements et de nombreux bienfaits à tirer de cela. Et nombreuses leçons à tirer de ces invocations du prophète sallam. En l'occurrence, donc le prophète sallam, on a dit qu'il a commencé par la parole en disant ta parole est vérité. Donc il s'adresse à son Seigneur en lui disant et ta parole est vérité. Et on a dit dans son commentaire, l'auteur, hein, Cheikh Al Uthaymeen, dit que et cela selon deux aspects. Selon deux aspects, aussi bien les impératifs. Les ordres du prophète sallam, les ordres d'Allah, pardon, sont vérité dans le sens et sont justice, et aussi bien les informations, ce qu'Allah Jalla wa Ala, tout ce qu'Allah nous enseigne et ce dont il nous informe, toutes ces informations-là sont vérité. C'est pour cela que lorsqu'il dit ta parole est vérité, que ce soit les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit les impératifs, que ce soit les commandements, que ce soit les informations, que ce soit les enseignements d'Allah, ce dont Allah Jalla wa Ala nous informe, tout cela est vérité et tout cela est justice. La parole d'Allah Jalla wa Ala est équité et justice lorsqu'il ordonne, c'est une justice. Et les informations d'Allah subhanahu wa ta'ala sont vérité. Pour cela, ensuite, l'auteur a fait allusion à ce verset, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Et la parole de ton Seigneur s'est parachevée. Sidqan wa adlan, par vérité et justice. Une traduction hein, approximative et rapprochée du sens du verset 115 à Sourate les Bestiaux. Donc le prophète en salam a commencé d'abord à évoquer dans ces six points la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc la parole d'Allah est vérité. Ensuite, il mentionne la promesse d'Allah en disant wa wa'duka al-haq, et ta promesse est vérité. Et là, l'auteur, Charles Thaymin, va dire que ce soit la promesse, yani wa'd sawan kana wa'dan bimathubatin aw wa'dan bil'uquba. Que ce soit une promesse liée à une rétribution ou bien une récompense, ou que ce soit une promesse liée à une sentence ou bien une punition. La promesse d'Allah est véritable et la promesse d'Allah est vérité. C'est pour cela qu'il faut bien méditer cela. Et donc, cher ici, nous sous-entend deux choses. Il dit que cela peut sous-entendre deux choses. Aussi bien la promesse d'une rétribution et aussi bien la promesse d'une punition. Et de ce fait, lorsqu'Allah Jalla wa Ala fait promesse d'une rétribution, c'est-à-dire d'une récompense, celle-ci est vérité. Et lorsqu'Allah Jalla wa Ala promet une sentence d'une punition, lorsqu'Allah met en garde contre une punition, contre une sentence, contre un châtiment, alors cela est vérité. Cela est vérité. Haqqun laysa fihi kadhib. En cela, il n'y a aucunement de mensonge. Voilà, Bouddha en yaqa, et cela doit s'effectuer, se produire, s'accomplir nécessairement. Chez, regardez ce qu'il dit. Il dit la Bouddha en yaqa, et donc cela s'accomplira. Li anna Allah la yukhlifu al-mi'ad, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'il faut savoir, Allah la yukhlifu al-mi'ad, Allah ne revient jamais sur une promesse. Donc si Allah jalla wa ala a promis une récompense, si Allah subhanahu wa ta'ala a promis une rétribution, si Allah jalla wa ala met en garde contre une sentence, contre une punition, alors cela est vérité. Et Allah jalla wa ala ne revient pas sur cela. C'est pour cela que ça renferme un sens qui est immense et c'est un rappel qui est immense aussi. C'est un grand rappel pour le croyant. Lorsqu'on sait qu'Allah jalla wa ala nous promet une rétribution, une récompense pour une action, pour une adoration, alors sachez qu'Allah Jalla wa Ala ne revient pas sur cela. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui va récompenser et rétribuer ses serviteurs. Regardez par exemple, en période de jeûne, en période de Ramadan, donc il y a une récompense qui est immense pour le jeûneur. Et tellement que cette récompense, elle est immense, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui garantit cette récompense et cette rétribution. Cette rétribution est pour lui, subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'Allah va gratifier, va rétribuer, va récompenser les jeûneurs d'une récompense qu'Allah, Jalla wa ala, lui connaît. Il sait comment il va récompenser, rétribuer les jeûneurs, ses serviteurs, ceux qui ont répondu favorablement à l'ordre et à l'impératif d'Allah subhanahu wa ta'ala de jeûner pendant ce mois du Ramadan. Donc ceux qui se sont soumis à lui et jeûnent pendant ce mois du Ramadan, c'est-à-dire ils s'abstiennent de toute boisson et de toute alimentation, de toute nourriture. Mais le jeûne n'est pas seulement s'abstenir de boire et de manger. Le jeûne aussi demande que la personne s'abstienne des péchés, s'abstienne des actes de désobéissance, que la personne, le jeûneur, préserve sa langue de toute forme de médisance, préserve sa langue de toute forme de mensonge, préserve sa langue de toute forme de calomnie, préserve sa langue de toute forme de ce qu'on appelle el-buhtan, ou el-namima, ou el-riba, de tous ces fléaux de la langue, préserve sa langue de toute forme de polythéisme, de toute forme de mécréance, d'hypocrisie ou autre chose. Donc vous avez vu, le jeûneur doit préserver aussi bien sa langue comme il doit préserver aussi bien ses membres de commettre des fautes et des péchés. Donc le jeûneur aussi bien doit s'abstenir de boire, de manger, mais il doit s'abstenir de transgresser les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala et de transgresser les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le jeûneur aussi bien, comme on l'a dit précédemment, il s'abstient de manger, il s'abstient de boire et il s'abstient de transgresser les lois d'Allah, les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala en commettant les actes de désobéissance et en commettant les péchés. Et comme cela, le jeûneur, celui qui s'abstient de cela, alors il verra qu'il aura une récompense, une rétribution qui est immense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Cheikh Ibn Uthaymeen fait un point dans un de ses cours et dans un de ses rappels concernant le jeûneur, il fait un point très important. Lorsque, on a dit précédemment, on s'abstient de toute nourriture, on s'abstient de toute boisson et on s'abstient de transgresser les limites d'Allah en lui désobéissant. Aussi, ce qu'il faut savoir pour atteindre la rétribution et la récompense d'Allah, justement, il y a quelque chose de très important, il faut espérer la récompense d'Allah. Il faut avoir l'espoir en la récompense d'Allah. Donc ça, c'est très important. Ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que le prophète, dans le hadith, il dit « Man sama imanan wa ihtisaban »« Man sama imanan wa ihtisaban » Celui qui jeûne par foi, par croyance, « wa ihtisaban » et c'est ça, en espérant la récompense d'Allah, subhanahu wa ta'ala, alors ses péchés se verront pardonnés. Ainsi, parmi les bienfaits du jeûne, le fait que le jeûneur, celui qui jeûne le mois du Ramadan, peut se voir pardonner ses péchés précédents, ses péchés passés. Donc il peut se faire pardonner ses péchés passés. À la condition d'observer ce que le prophète sallam nous enseigne dans ce récit, dans ce hadith qui est immense. Le prophète sallam, lorsqu'il dit man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Celui donc qui va jeûner le mois du Ramadan, regardez le prophète sallam ensuite a cité deux choses, comme si ça serait deux conditions pour cela, pour celui qui jeûne et qui veut ce bienfait qui est le fait que des péchés passés soient pardonnés, Donc le prophète sallam dit imanan wa ihtisaban, qu'il jeûne le mois du Ramadan avec iman, avec croyance. Donc là, il faut que la personne, il ait l'iman, il ait la foi, il ait la croyance. Et la deuxième chose, ihtisaban. Ou ihtisaban, les savants expliquent, c'est le fait d'espérer la récompense. En espérant la récompense. Donc regardez, celui qui jeûne le mois du Ramadan, alors il doit jeûner avec iman, très important, il doit avoir la croyance, la foi. Et c'est pour cela que, à l'aide de ces rappels, par exemple, à l'aide de l'étude, le fait d'écouter des rappels, le fait d'apprendre, le fait de faire talab al-ilm, d'être en quête de savoir, ça, justement, ça nous mène à renforcer ce iman et cette croyance pour que ce iman s'intensifie et pour voir ce iman s'accroître. Ensuite, ihtisaban, en espérant la récompense. Et plus la personne connaît les récompenses, donc ça lui permet d'espérer. C'est pour ça qu'il est important. Il est important de savoir, lorsqu'il y a une action, la récompense, quelle est la récompense de cette action? Et de se remémorer la récompense de cette action. De ce fait, la personne, ça va l'aider, mener à justement espérer la récompense. Donc lorsque vous faites par exemple une action, toujours se remémorer la récompense de cette action. Par exemple, la personne, lorsqu'il se rend à la mosquée pour accomplir par exemple la prière obligatoire, pour une prière obligatoire, le fait qu'il se remémore, qu'il se rappelle la récompense de cela, le fait de faire ses ablutions chez lui, le fait ensuite de sortir vers la mosquée et d'accomplir la prière en commun, en jamara. Le fait qu'il se remémore la récompense, ça va l'aider justement à accomplir cette action et justement à espérer aussi la récompense. Donc espérer la récompense d'une action, c'est important. C'est important. Donc regardez les prophètes, par exemple, pour le jeûne du mois du Ramadan, le prophète dit « Man sama Ramadan iman wa ihtisaban » celui qui jeûne le mois du Ramadan avec foi et en espérant. En espérant la récompense, alors des péchés passés et précédents sont pardonnés. Ça fait partie des bienfaits du jeûne du mois du Ramadan. Mais il y a d'autres récompenses, il y a une grande rétribution qui est auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ça fait partie des récompenses et ça fait partie des bienfaits du jeûne. Ça fait partie des bienfaits du jeûne de se voir pardonner les péchés antérieurs. Sinon, il y a une récompense auprès d'Allah qui est immense, une rétribution qui est immense pour celui qui jeûne et pour celle qui jeûne. Et pour celle qui jeûne. Et ceux qui jeûnent alors et qui ont ces deux conditions, imanan wa ihtisaban, avec foi et en espérant la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez, le prophète aussi a dit la même chose pour man qama laylat al-qadr, pour celui qui va rester éveillé. On qama, il va prier par exemple Laylat al-Qadr, en la nuit du destin. Le prophète sallam dit Man qama Laylat al-Qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam min dhanbi. Alors celui qui accomplira, se réveille pour la nuit du destin, imanan wa ihtisaban. Le prophète sallam a réitéré les deux termes, par foi et en espérant la récompense. Alors le prophète sallam dit alors ses péchés antérieurs seront pardonnés. Donc moi j'ai mentionné ici comme exemple le jeûne du mois du Ramadan. Pourquoi? Parce qu'on est en période de Ramadan et c'est un rappel pour qu'on se remémore les bienfaits et la récompense immense qu'il y a dans le fait de jeûner avec iman ou ihtisaban, qu'il y a une récompense auprès d'Allah qui est immense. Donc j'ai donné cet exemple par rapport à la situation, par rapport au contexte de fait qu'on est dans un mois, on est au mois du Ramadan, ce mois béni. Sinon, toutes les adorations qu'Allah Jalla wa Ala a légiféré, tout ce qu'Allah Jalla wa Ala a légiféré, tous les actes d'obéissance, celui qui obéit à Allah Jalla wa Ala, donc à la clé, il y a une rétribution. Allah Jalla wa Ala promet une récompense. Et lorsqu'Allah promet, Allah ne revient pas, comme on a appris, sur sa promesse. Et c'est ça qu'on est en train d'apprendre ici, c'est cette notion qu'on est en train d'apprendre, c'est que lorsqu'Allah Jalla wa Ala promet, il ne revient pas sur cette promesse. La yukhliful mi'ad, Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que c'est immense lorsque le prophète sallam dit dans cette invocation, lorsqu'il dit et ta promesse est vérité, ta promesse est vérité, donc elle renferme vraiment un sens avec des leçons qui sont inestimables du fait que tout ce qu'Allah Jalla wa Ala a promis, cela est vérité. Et cela s'accomplira. Et cela s'accomplira nécessairement. Il n'y a aucun doute à cela. Et de ce fait aussi, tout ce qu'Allah Jalla wa Ala, tout ce dont il nous a avertis, et tout ce dont il nous a mis en garde, qui mène vers une punition, qui génère une punition, ou bien une sentence, ou bien un châtiment, cela aussi, Allah Jalla wa Ala ne revient pas sur cela. Donc c'est pour ça que tout ce qu'Allah Jalla wa Ala, kullama wa'ada Allah subhanahu wa ta'ala, est vérité. Donc tout cela est vérité. Et c'est cela que nous explique le commentateur, l'auteur du commentaire, Ibn al-Thaymin, dans l'explication de ce passage. Sauf que en ce qui concerne la sentence et le châtiment, il y a juste une nuance. Il y a une nuance à prendre en considération par rapport à la promesse d'une récompense et d'une rétribution. Donc il y a une nuance par rapport à l'avertissement d'un châtiment ou bien d'une sentence, ou bien la promesse d'une sentence. Comme on l'a dit, la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala s'effectue et s'accomplit nécessairement. Allah Jalla wa'ala ne revient pas sur une promesse comme on l'a dit précédemment. Sauf qu'il y a une petite nuance à prendre en considération concernant la punition, le châtiment ou bien la sentence, tant que ce n'est pas du polythéisme. Tant que ce n'est pas du polythéisme, tant que la personne n'a pas accompli un acte d'associationnisme, il n'a pas donné un associé à Allah, subhanahu wa ta'ala, si vous voulez, alors l'individu est tahta al-mashi'a. La personne, il est sous la volonté d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc si Allah le veut, le châtiera, et si Allah veut, il lui pardonnera. Tant qu'il n'a pas accompli d'acte de polythéisme, tant qu'il n'a pas donné un associé à Allah, comme on l'a dit précédemment. Regardez, ça c'est une nuance à prendre en considération. C'est-à-dire que pour les péchés qui engendrent et occasionnent une sentence, une punition, un châtiment, c'est-à-dire que lorsque la personne il désobéit Allah subhanahu wa ta'ala, il s'expose à une sentence et à une punition. Et ça, il faut toujours l'avoir à l'esprit. Donc lorsqu'on désobéit, il ne faut pas minimiser la chose, c'est-à-dire que la personne ici s'expose à une sentence, à une punition, à un châtiment. Sauf que, ici à bien savoir, que tant que la personne n'a pas commis un acte de polythéisme, tant qu'il n'a pas donné un associé à Allah subhanahu wa ta'ala, alors il est sous la volonté d'Allah. C'est ce qu'on appelle tahta al-mashi'a. Tahta al-mashi'a. Si Allah veut, il le châtiera, et si Allah veut, il lui pardonnera. Donc ça, c'est concernant la punition ou la sentence. Donc Allah Jalla wa'ala peut pardonner à cette personne qui a désobéi. Allah peut lui pardonner comme Allah Jalla wa'ala peut le châtier. Par contre, si la personne a commis un acte de polythéisme, d'associationnisme, alors Allah Jalla wa'ala nous dit dans le Coran, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. Par contre, il pardonne en dehors de cela à qui il veut. Et là, donc c'est pour ça que Cheikh Ibn Uthaymeen a souligné ce point-là. Et donc cette nuance, elle est très importante. Sinon, lorsqu'Allah Jalla wa Ala promet une chose, alors cette chose s'accomplit et s'effectue nécessairement. Allah Jalla wa Ala ne revient pas sur une promesse, subhanahu wa ta'ala. Pour cela, l'auteur a bien stipulé en disant ولا بد ان يقع يعني الوعد ووعدك الحق لابد ان يقع هذا الوعد لان الله لا يخلف الميعاد لان الله لا يخلف الميعاد الا ان الوعد بالعقوبه اذ لم يكن الاثم شركا فالانسان تحت المشيئه لقول الله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ولقاؤك حق لقاء الله عز وجل حق قال جل وعلا يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي فلابد أن يلاقي ربه سبحانه وتعالى ولابد أن يخلو ربه به ليس بينه وبينه ترجمان لابد أن يسأل ويقرر بذنوبه ويقول فعلت كذا في يوم كذا وفعلت كذا في يوم كذا لكن هذا يكون بينه وبينه ثم إذا أقر واعترف فقال الله جل وعلا إني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفر لك اليوم وهكذا يحاسب الله جل وعلا العبد المؤمن يوم القيامة. Ensuite, donc Cheikh Ibn Uthaymeen, ensuite après qu'il ait fait cette nuance concernant sa promesse, concernant comme on l'a dit précédemment la promesse de rétribution et concernant la punition et la sentence, ensuite Cheikh nous explique maintenant lorsque le prophète en salam ensuite dit wa liqa'uka haqq. Donc ensuite le prophète en salam après qu'il ait dit que ta parole est vérité. Dans cette invocation, lorsque le prophète invoquait, donc il disait, et ta parole est vérité, et ta promesse est vérité. Ensuite, le prophète, sallam, a mentionné, il a évoqué la rencontre. et ta rencontre est vérité. Donc le prophète, sallam, il s'est ensuite de faire allusion à la rencontre. Lorsqu'il dit ta rencontre est vérité, c'est-à-dire la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire la rencontre de notre Seigneur est vérité. Et donc l'auteur ici va nous expliquer ce passage. Lorsque le prophète, sallam, dit et ta rencontre est vérité. Et effectivement, et na'am, chaque individu va rencontrer son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et donc l'auteur ici va nous expliquer cette rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que chaque individu rencontrera son Seigneur, il sera jugé. Donc chaque individu, c'est inéluctable, il sera ressuscité. Donc Allah Jalla wa Ala va redonner vie après la mort. C'est inéluctable et c'est ça la résurrection. La résurrection, c'est lorsque tous les êtres seront sortis de leur tombe, et lorsqu'ils sortiront de la tombe, Allah Jalla wa Ala donc leur donnera vie pour être ressuscités. Donc c'est ça la résurrection, le fait que les gens seront ressuscités, rassemblés ensuite pour ensuite être jugés et donc rendre compte, rendre les comptes. C'est pour cela cette parole importante qui nous est dite, qui nous est rapportée à l'époque des compagnons, qui disait Hasib nafsak qabla an tuhasab, fais-toi, rends-toi les comptes ici, ici-bas, avant que toi tu rendes les comptes là-haut, dans l'au-delà. C'est pour cela, an-insan yuhasib nafsahu, que la personne, il se fasse les comptes ici-bas, il fasse son autocritique, il fasse son examen ici-bas, le fait qu'il s'examine, qu'il s'autocritique ici-bas, il vaut mieux commencer ici-bas que d'arriver là-haut, et à ce moment-là, là, on doit rendre les comptes. Et la personne va rendre compte sur toute chose, même sur des choses infimes, des choses que la personne n'a pas considérées, des choses qu'on a dévalorisées dans cette vie d'ici-bas, des choses qu'on pensait qu'elles n'étaient pas graves, des choses que pour nous, elles étaient insignifiantes. Alors la personne rendra des comptes pour toutes ces choses-là, qu'elles soient grandes ou insignifiantes. Rien ne sera laissé. Et donc le croyant doit comprendre cette chose-là, que rien ne sera laissé. Et de ce fait, le fait d'être conscient de cela, ça va nous mener justement à nous préparer, à bien nous préparer pour ce jour, le jour où la personne va rendre les comptes. Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle ici, invoque Allah Jalla wa Ala, en disant, et ta rencontre est vérité. Et dans l'explication, Shamra Athaymin, donc il va mentionner un verset, et ce verset convient vraiment avec le contexte. Il va mentionner le verset 6 dans la surat al-Inshiqaq, qu'on pourrait traduire la surat de la déchirure. Et dans ce verset, où il est dit dans une traduction relative, lorsqu'Allah Jalla wa Ala s'adresse à l'homme en lui disant « Ô toi l'homme, ya ayyuhal insan, ô toi l'homme, qui t'efforce de rencontrer ton Seigneur, sache que sûrement tu le rencontreras. Sache que en persévérant, sûrement tu le rencontreras. » Donc Allah Jalla wa Ala dit: Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqi falabuda an yulaqi rabbahu. Et de ce fait, on comprend dans ce verset qu'Allah Jalla wa Ala nous informe que l'individu, c'est quelque chose de nécessaire, il rencontrera son Seigneur. Labudda min hada. Et ça, c'est quelque chose d'obligatoire. Et c'est quelque chose qu'Allah Jalla wa Ala a décrété, que l'individu rencontrera son Seigneur. Wala budda an yakhluwa rabbuhu ma'a. Et Allah Jalla wa Ala s'adressera à lui. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il y aura point d'intermédiaire ou d'interprète entre lui et son Seigneur, entre Allah et son serviteur. Lorsque son serviteur rencontrera Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y aura pas d'interprète, ni d'intermédiaire, ni personne entre le serviteur et son Seigneur subhanahu wa ta'ala. La Buddha an yas'ala. Et de ce fait, il l'interrogera. Et c'est quelque chose de nécessaire. Allah Jalla wa Ala l'interrogera. C'est quelque chose d'impératif. D'impératif, c'est-à-dire que cela se produira. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui fera avouer ses péchés. Pour celui qui a été désobéissant et qui a commis des péchés, Allah Jalla wa Ala lui fera avouer ses péchés en lui disant fa'alta kadha fi yawmi kadha, tu as fait telle et telle chose en tel jour. Tu as fait telle et telle chose en tel jour. Lakin hadha yakun baynahu wa baynahu. Mais cela sera entre le serviteur et son Seigneur. Donc Allah Jalla wa Ala lui rappellera ses fautes. Et Allah lui rappellera ses actes de désobéissance. Vous avez vu, ça c'est quelque chose vraiment qu'il faut se remémorer. Il faut vraiment se faire le rappel avec cela. Le fait que c'est quelque chose d'inéluctable, que la personne rencontrera son Seigneur. Et il n'y aura personne entre lui et son Seigneur. Il n'y aura pas d'interprète, il n'y aura pas d'intermédiaire. Il sera avec son Seigneur, c'est-à-dire il rencontrera son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Et Allah, jalla wa'ala, lors de cette rencontre, le rappellera ses fautes. Il lui rappellera ses fautes, il lui rappellera ses désobéissances en lui disant tu as fait telle et telle chose tel jour et tu as fait telle et telle chose tel jour. Et il n'y aura personne entre eux, le serviteur et son Seigneur subhanahu wa ta'ala, jusqu'à ce que le serviteur, la personne, avouera ses fautes. Il reconnaîtra, il va reconnaître ses fautes. Et lorsque le serviteur justement, idha aqarra wa a'taraf bidhunubi, lorsqu'il va reconnaître ses fautes, alors c'est là que il sera dit dans le récit, dans le hadith, il est dit qu'Allah Jalla Wala lui dit, comme je te les ai dissimulés et cachés dans cette vie d'ici-bas, aujourd'hui je te pardonne, je te les pardonne. Regardez, c'est quelque chose d'immense. Comme je les ai dissimulés et cachés ici-bas, aujourd'hui je te les pardonne. Cheikh dit, وَهَكَذَا يُحَاسِبُ اللَّهُ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Et c'est comme cela qu'Allah Jalla Wala jugera le serviteur croyant le jour de la rétribution. Le jour de la rétribution. Donc ici, on se rend compte que l'auteur, Cheikh Al-Athaymeen, fait allusion à un hadith. Un hadith où le prophète, ensemble, nous informe de cette rencontre. Il nous informe de cette rencontre. Et lorsque, justement, il y aura, le prophète, ensemble, dit, lorsque le serviteur va rencontrer son Seigneur, il n'y aura personne. Bainahu wa baina. Personne entre les deux. Il n'y aura pas d'interprète. Il n'y aura pas d'intermédiaire. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala lui fera avouer ses fautes. C'est-à-dire qu'il lui rappellera ses fautes et ses péchés. Et le fait de se remémorer cela, eh ben, ça permet aux croyants de prendre une distance et de mettre une protection entre lui et les péchés et les actes de désobéissance. Pourquoi ? Par pudeur, déjà, et par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Du fait de savoir qu'on va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on devra répondre de nos agissements, de nos actes, qu'on devra répondre de ces actes-là. Alors la personne qui craint Allah subhanahu wa ta'ala, qui vénère Allah, qui adore Allah subhanahu wa ta'ala, qui a de la pudeur envers son Seigneur subhanahu wa ta'ala, alors lui ne veut pas rencontrer Allah avec ses actes de désobéissance, avec ses péchés. Al-Muhim, ici, Cheikh Al-Athaymeen fait allusion justement à ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que lorsque le serviteur va rendre des comptes devant son Seigneur, alors qu'il n'y aura personne, qu'il n'y aura pas d'interprète, lorsqu'il avouera ses fautes, alors Allah subhanahu wa ta'ala lui dira, comme je les ai dissimulés, cachés dans cette vie d'ici-bas, ici-bas, ou plutôt dans la dunya, plutôt, comme je les ai dissimulés dans la dunya pour toi, aujourd'hui je te les pardonne, ces péchés-là. Et c'est de cette manière ensuite que le prophète sallam nous dit que le croyant sera jugé. Et dans un hadith, justement, dans un énoncé du récit, dans un récit que vous a rapporté du prophète sallam, un hadith authentique, où justement le prophète sallam, lorsqu'il dit que viendra un homme alors qu'il n'y aura pas d'interprète entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah subhanahu wa ta'ala lui dira, ne t'ai-je pas envoyé de messager, fayubelliruk, qui vous transmette mon message? Il dira, oui au Seigneur, fayakul, ne t'ai-je pas donné, malan alam a'tik, malan wa ufdil alayk, ne t'ai-je pas donné des biens, n'ai-je pas été bienfaisant envers toi, dans le sens fayaqulu bala, il dira oui au Seigneur. Et cet individu fayanzuru an yamini fala yara illa jahannam, et cet individu regardera à sa droite, il ne verra que l'enfer. Wayanzuru an yasari fala yara illa jahannam, il regardera à sa gauche, il ne verra que l'enfer, il ne verra que l'enfer. Et c'est pour ça qu'il est dit à la fin du récit, à la fin de ce hadith, le compagnon قال عدي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم, le compagnon عدي disait, et j'ai entendu le prophète صلى الله عليه وسلم dire, يقول اتقوا النار ولو بشقة تمرة, اتقوا النار ولو بشقة تمرة, et craignez Allah même ne serait-ce qu'avec la moitié d'une date, ne serait-ce qu'avec la moitié d'une date. فمن لم يجد شقة تمرة Fabikalimatin tayyiba. Et il dit, et celui qui ne trouve pas la moitié d'une date, ne serait-ce qu'avec une bonne parole. Donc regardez, à la fin de ce récit, le compagnon Adi dit, Sami'tu ar-Rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qui dit, donc craignez, préservez-vous de l'enfer. Craignez Allah et préservez-vous. Ou plus, le prophète sallam plutôt dit, ittaqun nar. Préservez-vous, protégez-vous de l'enfer. Walau bi shiqqati tamra. Même ne serait-ce qu'avec la moitié d'une date. Donc regardez, le prophète, en somme, cette exhortation de sa part est immense. Le fait de se préserver du feu de l'enfer, du châtiment d'Allah, ne serait-ce avec une chose. Regardez, pour nous, la moitié d'une date, pour nous, ça serait quelque chose d'insignifiant, quelque chose d'infime. Mais regardez, l'yom al-qiyama, le jour de la résurrection, le jour lorsque la personne rendra les jugements, il n'y a rien qui est infime. Et le prophète en somme dit, et celui qui n'a pas la moitié d'une date, ne serait-ce bikalimatin tayyiba, ne serait-ce avec une bonne parole. Regardez, aujourd'hui, la personne qui est vivante, qui a du temps, devrait. La personne, par exemple, qui n'a pas, par exemple, de grands moyens financiers pour faire de grandes aumônes. Regardez, le fait de craindre Allah et de se préserver du châtiment, du jahannam, de l'enfer, ne serait-ce qu'avec la moitié d'une date. Ne serait-ce avec la moitié d'une date. Qui est-ce qui ne peut pas, par exemple, donner en aumône la moitié d'une date? Ou bien, même si la personne n'a pas, et on va aller dans le fait que même si la personne n'a pas, par exemple, la moitié d'une date, au moins, bikalimatin tayyiba, au moins avec une bonne parole. Et bien, regardez, souvent les gens dévalorisent cela. Pour eux, ils trouvent cela insignifiant. Une bonne parole, pour eux, c'est dévalorisé, etc. Pour eux, c'est pas grand-chose. Mais regardez, on peut se préserver du feu de l'enfer, ne serait-ce qu'avec une bonne parole. Et c'est pour cela qu'il faut pas être avare envers soi-même. Il faut pas être avare envers soi-même dans le sens de ne pas, par exemple, parfois, prodiguer de bons conseils, d'avoir de bonnes paroles pour les autres. Bikalimatin tayyiba. C'est pour cela qu'il est même dit dans un récit, regardez le prophète, en somme, il dit, ne dévalorisez rien du bien. Ne serait-ce de rencontrer son frère avec un visage radieux. Biwajhin taliq. Avec un visage radieux. Et bien, ne serait-ce juste le fait de rencontrer son frère avec un visage radieux, le prophète, en somme, il nous dit, il nous exhorte à ne pas dévaloriser cela. Dans le sens, ne pas mépriser ces actions-là, les trouver insignifiantes. Le fait juste de rencontrer une personne avec un visage radieux et souriant, c'est sadaqa, c'est une aumône. C'est une aumône. Donc, tout le monde peut faire l'aumône. Tout le monde peut faire des aumônes. Selon son niveau à lui, selon ses capacités, selon ses moyens. Si la personne n'a pas les moyens de faire une grande aumône, n'a pas de grands moyens financiers, alors la personne, par exemple, qui peut donner ne serait-ce à moitié d'une date, qui se préserve du feu de l'enfer, même avec la moitié d'une date, s'il ne peut pas cela, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, alors avec une bonne parole. Avec une bonne parole. Donc vous avez vu ça? Ça, c'est des rappels dont le croyant a besoin. Il faut vraiment être conscient de cela. Il faut rien négliger. Il faut rien négliger. Ne serait-ce au niveau des bonnes actions, il ne faut pas trouver des bonnes actions insignifiantes. Elles ont tous leur importance. Elles ont toutes leur importance. Et aussi au niveau des mauvaises actions, il ne faut pas négliger cela. Parce que rien ne sera laissé le jour de la rétribution. Et lorsque le prophète, et ça laisse sous-entendre cela, lorsque le prophète ensemble nous dit préservez-vous du feu de l'enfer, ne serait-ce que la moitié d'une date ou une bonne parole, ça veut dire que vraiment ça sous-entend ça aussi, que le jour de la rétribution, rien ne sera laissé. Rien ne sera laissé. Pour ça, l'importance de s'auto-examiner dans cette vie d'ici-bas avant qu'on rende les comptes dans l'au-delà. Par contre, le Sheikh Al-Uthaymeen ensuite, lui, continue. Donc, il continue dans l'explication de cela. Donc, ensuite, il va parler d'Al-Kafir, la position et la situation d'Al-Kafir dans ce contexte-là. Donc, après qu'il nous ait dit, Sheikh Al-Uthaymeen, dans son commentaire, lorsqu'il a parlé de celui qui va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y aura pas d'interprète entre lui et son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et Allah l'interrogera. Et Allah lui fera reconnaître ses péchés puisqu'il mettra en évidence devant lui ses fautes. Et il le mettra devant le fait accompli en lui disant tu as fait telle et telle chose tel jour. Lorsque le croyant en a dit lui reconnaîtra, lorsque le serviteur d'Allah reconnaîtra cela, ensuite Allah jalla wa ala lui dira certes pour toi, j'ai dissimulé, caché tes défauts, tes fautes dans la dunya. Aujourd'hui, je te les pardonne. Et Sheikh Al-Uthaymeen, lorsqu'il mentionne cela lorsqu'il a évoqué ce passage. Il dit Hakada yuhasibu Allah jalla wa ala al-abd al-mu'min yawm al-qiyama. Il dit Hakada yuhasibu Allah al-abd al-mu'min yawm al-qiyama. Il dit de cette manière sera jugé le serviteur croyant le jour de la rétribution. Amma al-kafir ou amma al-kuffar fa innahum la yukarraruna hadha at-taqrir. ولكن يجزون يوم القيامة وينادى عليهم على رؤوس الأشهاد كما قال جل وعلا هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين ألا لعنة الله على الظالمين. Et ensuite, Cheikh Ibn Athaymin, en ce qui concerne les incrédules, al-kuffar, fa'innahum, il dit pour eux, ça va pas se passer de cette manière. Il dit, ils seront rétribués pour ce qu'ils ont fait yom al-qiyama, wa yunada alayhim ala ru'us al-ashhad, et ils seront appelés devant des témoins. Donc ils seront appelés devant ru'us al-ashhad, comme c'est dit. Pourquoi? Parce qu'il fait référence au verset. Il fait référence justement à l'allusion au verset 18 dans sourate al-Hud. Dans sourate Hud. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le verset 18, justement de sourate al-Hud, écoutez bien, c'est un verset qui est immense, c'est un grand rappel. Il dit, ceux-là comparaîtront devant leur Seigneur et les témoins s'écrieront. Donc eux, par contre, al-kuffar, à la différence, c'est que eux, cela se fera devant ru'us al-ashhad, devant des témoins. Donc cela ne sera pas dissimulé. Donc il y aura des témoins. Et Allah Jalla wa'ala nous dit, ceux-là comparaîtront devant leur Seigneur, une traduction relative, wa ha'oula, comme il est dit dans le verset, Oulaika yu'raduna ala rabbihim, wa yaqulu al-ashhadu ha'oula illadina kathabu ala rabbihim, ala la'natullahi ala al-zalimin. Et lorsqu'Allah, une traduction relative du verset, nous dit, ceux-là comparaîtront devant leur Seigneur, et les témoins s'écrieront, les voilà ceux qui ont attribué des mensonges à leur Seigneur. Les voilà. Puisqu'Allah, Jalla wa ala, au début du verset, au début de ce verset, Allah dit وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ أو وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ اِفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. Et quel est le plus injuste que celui qui invente des mensonges sur le compte d'Allah ou au sujet d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là ensuite Allah dit, après qu'il ait dit quel est le plus injuste parmi ceux qui inventent des mensonges au sujet d'Allah, ensuite Allah dit ceux-là comparaîtront devant leur Seigneur, et les témoins s'écrieront, voilà ceux qui ont attribué des mensonges à leur Seigneur, que la malédiction d'Allah s'abatte sur les coupables. Une traduction relative du sens de ce verset. C'est pour cela qu'il dit, Cheikh Ibn Athaymin, il fait cette nuance, il dit, pour eux, al-kuffar, eux, cela se fera devant ru'us al-ashhad, devant des témoins. Et cela, diront, les voilà ceux qui inventaient des choses, qui attribuaient des choses Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui inventaient des choses au sujet d'Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulun, ha'oula illadhina kathabu ala rabbihim. Voilà ceux qui mentaient au sujet de leur Seigneur subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est vraiment un rappel. Et vous avez vu, cette connaissance-là, ça fait partie des choses qui se produiront au jour dernier, au jour de la rétribution. Et c'est pour ça que ça fait partie de la croyance au jour dernier. Et donc la croyance au jour dernier fait partie des piliers de l'iman, des piliers de la foi. C'est pour ça que la croyance au jour dernier, ça comprend le fait de croire en tout cela. À partir du moment où les gens seront ressuscités, ils sortiront de leur tombe, Allah Jalla wa Ala leur redonnera vie, après qu'il leur ait donné mort, lorsqu'ils vont quitter cette vie d'ici-bas, ensuite Allah Jalla wa Ala les ressuscitera, donc les gens ensuite seront tous rassemblés, sans exception. Toutes les générations, depuis Adam, toutes ces générations qui ont vécu sur Terre, toute l'humanité, imaginez-vous le nombre, imaginez-vous le nombre, toute l'humanité, depuis Adam, toute la descendance de Adam, jusqu'à Qiyam Sa'a, jusqu'à la fin de l'heure, tous ces gens, tous ces individus, sans exception, quel que soit le rang social, quelle que soit la fortune que possédait l'individu, tous, sans exception, les croyants, les non-croyants, tout le monde sera ressuscité et ensuite tout le monde sera rassemblé. Tout le monde sera rassemblé et les gens comparaîtront devant leur Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et le fait de, c'est pour cela que c'est un pilier de la foi, le fait de connaître cela, celui qui se connaît cela peut se remémorer cela, se faire le rappel. Vous allez, lorsque la personne il veut faire un péché, lorsque la personne, son âme l'incite à faire un mal, l'incite à désobéir, l'incite à faire un péché. Alors ça, c'est des causes pour se préserver de ces désobéissances, de ces fautes, de la désobéissance, hein, de se remémorer cela. Ça c'est quelque chose qui exhorte le croyant à éviter ses fautes, à éviter ses péchés, à mettre une barrière entre lui et les actes défendus, entre lui et la transgression d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait qu'il se remémore, qu'il comparaîtra devant Allah subhanahu wa ta'ala, le fait qu'il se remémore, qu'il se fasse le rappel, qu'il va être jugé, et chaque chose, qu'elle soit pour lui insignifiante ou non, il rendra compte pour toute chose, ne serait-ce qu'une parole, ne serait-ce parfois une parole, ne serait-ce un mauvais comportement. On rendra des comptes pour toutes ces choses. C'est pour ça qu'à l'époque des compagnons, Anas ibn Malik, à son époque, lui qui a vécu longtemps et fait partie des derniers compagnons à être décédé, lui qui a vécu longtemps, un jour il s'adressa à des gens qui sont venus dans les époques après l'époque du prophète, sans ça, mais des compagnons, en s'adressant à eux, il leur a dit, vous, il y a des choses que vous voyez qui pour vous sont infimes, insignifiantes, alors que pour nous, à l'époque des compagnons, à l'époque du prophète, sans ça, c'était des choses qui pour nous étaient grandes. C'était des choses majeures, ça. Alors que pour vous, à l'époque, vous voyez des choses insignifiantes. De même à notre époque, beaucoup de notre communauté, beaucoup de musulmans, à chaque fois ils sont face à un péché, ils sont face à une désobéissance ou quelque chose qui est haram, quelque chose qui est clairement interdit dans le livre d'Allah et dans la sunna du messager d'Allah, lorsque on les rappelle au bien, lorsqu'on leur fait ce rappel, et on doit toujours se rappeler le bien mutuellement et réciproquement. Lorsqu'on voit une personne est à l'abri de tomber dans un péché, dans une faute, alors il faut se faire le rappel. Lorsqu'on fait le rappel, alors pour les gens, ces choses-là, c'est insignifiant. C'est pour ça, tout le temps, on entend « Ma'alich, ma'alich, c'est rien, c'est rien. » Pour les gens, la désobéissance, les péchés, ce n'est rien. Ils trouvent ça insignifiant. Ils dévalorisent la valeur de cela. Alors qu'ils seront jugés pour cela. C'est pour ça qu'il faut se faire le rappel. On sera jugé pour toute chose. Et celui qui est conscient de cela ici-bas, et donc qui se prépare, regardez, lorsqu'un homme a demandé au sujet de l'heure au prophète, quand est-ce que viendra l'heure, le prophète a dit, mais qu'est-ce que tu as préparé? Pourquoi? Parce que le but, c'est de se préparer. C'est pour ça qu'on va dans maintes hadith où le prophète, lorsqu'il fait des exhortations, il disait, Man kana yu'minu billahi wa liyawmil akhir, que celui qui croit en Allah et au jour dernier. Par exemple, فَلِيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ, qu'il dise du bien ou bien qu'il se taise. وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَلِيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارًا أَوْ ضَيْفًا, qu'il soit bon, que celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il soit bon, qu'il honore son invité, qu'il soit bon envers son voisin. Donc le prophète, il répétait souvent que celui qui croit en Allah et au jour dernier. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى, le grand savant émérite Cheikh Al-Fawzan, dans l'explication de ce récit, il dit pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam réunissait souvent entre la croyance en Allah et la croyance au jour dernier. Pourquoi? Parce que croire en Allah, ça nécessite le fait de se préparer pour le jour dernier. Et donc la croyance en Allah nous mène vers la préparation pour le jour dernier. Et Cheikh Al-Fawzan ensuite fait une très belle portée d'attention en disant que celui qui croit en Allah mais qui ne se prépare pas pour le jour dernier, à quoi lui servira cette croyance? S'il croit en Allah, il ne se prépare pas au jour dernier. Et ça, c'est quelque chose d'important de réfléchir, de réflexionner sur cela. Regardez dans ce hadith, la croyance en Allah, elle est liée avec la croyance au jour dernier, ce n'est pas en vain, ce n'est pas pour rien, il y a un but, un objectif vraiment immense qu'il faut méditer. Et c'est pour ça que le prophète sallam disait « Man kana yu'minu billahi wa liyawmil akhir » que celui qui croit en Allah est au jour dernier, l'importance de se préparer pour le jour dernier. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de gens à l'heure actuelle, lorsque, par exemple, on veut les conseiller, on leur dit « Ittaqillah », vous lui dites « Crains Allah » et te dit « Toi, crains Allah ». Toi, ittaqillah, toi, crains Allah. Alors ça, c'est un grand appel. Il n'y a pas meilleur appel que lorsqu'une personne, il fait quelque chose de mal, ou il veut dire quelque chose de mal, ou il veut accomplir quelque chose de mal, le fait de lui dire crains Allah. Crains Allah, ça fait partie des plus grandes recommandations. Ça fait partie des plus grandes exhortations. Vous ne pouvez pas lui faire un meilleur appel que de lui dire de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Vous lui dites crains ton Seigneur. Et lui, au mieux d'espérer d'être craintif, et de faire partie de ceux qui craignent véritablement Allah, il te dit, toi, crains Allah, subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela qu'il faut se faire le rappel, beaucoup de gens aujourd'hui ne sont pas réceptifs au rappel. Beaucoup de gens ne sont pas réceptifs au rappel. Or, on a dit dans les assises précédentes, on a dit le croyant, lui, à l'évocation d'Allah, c'est tout son corps, sa peau, ici, qui en quelque sorte s'adoucit, et son cœur s'adoucit. Lorsqu'il est face à l'évocation d'Allah, son cœur s'adoucit et il frémit. Le croyant frémit lorsque les versets d'Allah, lorsqu'Allah, Jalla wa Ala, leur est mentionné, leur est évoqué. Et c'est ça l'affaire du croyant. Sa connaissance d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui l'a mené vers la crainte de celui-ci, d'Allah, subhanahu wa ta'ala, fait que lorsqu'il entend l'évocation de son Seigneur, alors il frémit et son cœur s'adoucit, se radoucit. Et c'est pour ça, lorsqu'on nous dit « Ittaqillah », crains Allah, subhanahu wa ta'ala, alors là, il faut que la personne soit réceptive et prenne ce rappel. Et c'est toujours méritoire d'accepter le rappel. Et c'est pour cela que ça, c'est des rappels qu'il faut qu'on se fasse. Regardez par exemple lorsque le prophète, sallam, lorsque dans un hadith, il nous a dit « Man la tahlifu bi aba'ikum, man halafa billahi » فليصدق ومن حلف بالله فليرضى ومن لم يرضى فليس من الله. Regardez dans ce récit, lorsque le prophète en sallam dit par exemple, ne jurez pas par vos ancêtres. من حلف بالله فليصدق. Et que celui qui craint ou celui qui jure par Allah fait le serment par Allah qu'il soit véridique. ومن حلف له بالله فليرضى. Et que celui à qui on fait un serment qu'il accepte ce serment. ومن لم يرضى فليس من الله. Et le prophète en somme dit, et celui qui n'accepte pas ne fait pas partie d'Allah, en quelque sorte, une traduction littérale. Falaysa min Allah. Regardez ici l'élément illustrant. Pourquoi le prophète en somme dit, et celui à qui on fait le serment par Allah, si une personne vous dit Wallahi, il vous jure par Allah, il fait le serment par Allah, le prophète en somme dit qu'on doit l'accepter. On doit accepter ce serment. Et le prophète dit, celui qui n'accepte pas ce serment, une personne qui lui a juré par Allah, et il n'accepte pas ce serment-là, le prophète en somme dit, falaysa min Allah. Falaysa min Allah. Regardez, en contrepartie, c'est très grave. Falaysa min Allah. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas accepté le serment. Pourquoi ici? Parce que ce serment, il était fait par le nom d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et le croyant, lorsqu'il entend l'évocation d'Allah, alors il ne discute plus. À partir du moment qu'une personne a pris le nom d'Allah pour jurer, pour faire un serment, celui qui est face à lui est réceptif, il accepte le serment. Pourquoi? Parce qu'il a juré par celui qui lui est plus cher. Il a juré par son créateur, son seigneur, celui qu'il adore et celui vers qui il voue tout, ou celui à qui il voue toutes ces adorations-là. C'est pour cela que ça aussi, il faut le méditer. Lorsque une personne lui dit « Ittaqillah » ou lorsqu'une personne lui dit « Wallahi », il jure par là, on doit accepter cela. Et le fait de se remémorer ce rappel qu'on a dit lorsque les gens vont comparaître devant leur Seigneur, eh ben ça nous permet justement, lorsqu'on est face à un interdit, lorsqu'on veut dire une mauvaise parole, parfois par la colère, parfois on est en colère contre quelqu'un, on a envie de dire des mauvaises paroles, des injures ou autres, là se retenir et penser que pour chaque chose on sera jugé, même des choses qu'on voit et qu'on considère insignifiante. Et aussi de se rappeler que lorsqu'on profère des mauvaises paroles, il y a des anges qui notent. Il y a des anges, des scribes à nos côtés qui notent constamment tout ce qu'on dit. Tout est noté. Vous avez vu, tout ça doit nous mener à la crainte d'Allah et à la pudeur. Avoir de la pudeur et à penser au jour où on comparaîtra devant Allah subhanahu wa ta'ala et le jour où il n'y aura aucun interprète, aucun intermédiaire. Donc on continue ensuite pour essayer d'avancer un peu. Donc là, on a expliqué trois choses parmi les six choses qu'a mentionné le prophète ensemble dans cette invocation. Donc on a expliqué le début, qawluka al-haq, wa wa'duka al-haq, wa liqa'uka al-haq, wa liqa'uka haq. Donc le premier, c'est ta parole est vérité, ta promesse est vérité et ta rencontre est vérité. Donc ça, on l'a expliqué très brièvement avec le commentaire de Sheikh Al-Uthaymeen. Rahimahullah ta'ala, qu'Allah lui accorde sa miséricorde. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait wal jannatu haqq, et le paradis est vérité. Et le paradis est vérité. Donc vraiment, vous avez vu cette invocation, elle est vraiment immense, hein, les sens et les enseignements qui sont dedans sont inestimables. Imaginez-vous donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la nuit, il se réveillait et donc il invoquait Allah jalla wa ala de cette manière. Vous avez vu, de telle manière, lorsqu'on vraiment, on se remémore les sens qu'il y a dans cette invocation-là, on comprend le fait de renouveler et de revivifier sa foi. Le sens de renouveler hein, chaque nuit et revivifier en quelque sorte sa foi. Al-Jannatu Haqq, le paradis est vérité, il disait. Ay sidqun wa thabit. C'est-à-dire que Shah Al-Thaymin nous explique ici quel est le sens de cela. C'est-à-dire qu'il est sidqun wa thabit, qu'on croit en la véracité de cela, c'est quelque chose de qui est véridique, c'est la vérité, wa thabit, est confirmé. Et ferme. De même aussi l'enfer. De même l'enfer. C'est pour cela qu'ensuite le prophète sallam fera suivre cela par l'enfer. Et l'enfer aussi est vérité. Et pour nous, les musulmans, notre croyance, c'est que aussi bien le paradis que l'enfer sont présents actuellement. Ça y est, ils sont créés. Allah Jalla les a créés et ils sont existants. Au moment où qu'on parle, l'enfer et le paradis, pour nous les musulmans, et en l'occurrence les partisans de la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, on considère que le paradis est existant, ainsi que l'enfer. Donc, wahuma makhluqatan lil abad. Et donc, ils ont été créés tous deux pour l'éternité. Mu'abbadatan bi ijma'i ahli sunnah. Regardez ce que dit Cheikh Ibn Al-Uthaymeen. Il dit, donc aussi bien le paradis, donc là je vous traduis à la parole du commentateur, Cheikh Ibn Al-Uthaymeen, il dit aussi bien le paradis que l'enfer, tous deux sont actuellement existants. Allah Jalla les a créés tous deux pour l'éternité. Mu'abbadatan. Et donc pour l'éternité, bi ijma'i ahli sunnati wal jama'a. Avec l'unanimité des gens de la Sunna. Illa anna hunaka khilafan yasiran fil abadiyatin nar. Fi abadiyatin nar, lakin al-qawl bi'adami abadiyatiha ou abadiyatiha da'ifun lil ghaya. Li Et l'auteur, après nous avoir évoqué l'unanimité des gens de la Sunna, sur cette question-là, ensuite il va mentionner trois versets. Il va mentionner trois versets, des versets dans Sourate An-Nisa, des versets dans Sourate Al-Ahzab et dans Sourate Al-Jin. Il dit donc qu'il y a Thalath ayat min al-Qur'an qui indique l'éternité du paradis et de l'enfer. Il va faire allusion à, aussi, il va dire qu'il y a une parole, une divergence qui est faible, qu'il ne considère pas l'il-ghaya. Il dit, bi adam abadiyatiha da'ifun lil-ghaya. Il dit, walakin, yatkallam عن خلاف يسير في أبدية النار لكن القول بعدم أبديتها أو أبديتها ضعيف للغاية لأن الله ذكر أبديتها في ثلاث آيات من القرآن وقوله جل وعلا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وقال جل وعلا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا وقال جل وعلا ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. Donc là, vous avez vu, Cheikh Ibn Al-Uthaymeen a mentionné trois versets. Donc on a dit, il mentionne premièrement, le verset dans Sourate An-Nisa qui dit Inna alladhina kafaru wa zalamu lam yakun illahu liyaghfira lahum wa la liyahdihum tariqa ila tariqa jahannam khalidin fiha abadan. Premier verset, lorsqu'Allah dit dans une traduction relative, certes ceux qui ont mécru, qui ont été injustes, lam yakun illahu liyaghfira lahum. Allah ne leur pardonnera pas et ne les guidera pas dans le droit chemin, si ce n'est la voie de l'enfer, et cela d'une manière khalidin fiha abadan. De manière éternelle. Dans un autre verset, Allah dit, Inna Allah la'ana al-kafirin wa a'adda lahum sa'ira khalidina fiha abadan. Dans un autre verset, Allah dit, certes Allah a maudit al-kafirin, les mécréants, et leur a préparé la fournaise, ils demeureront d'une manière éternelle. Et dans un autre verset, wa man yasi Allah wa rasulahu, et celui qui désobéit à Allah et à son messager, fa inna lahu nara jahannama khalidina fiha abadan. Celui qui désobéit à Allah et à son messager, une traduction relative au sens du verset Sourate Al-Jin, fa inna lahu nara jahannam. Pour lui, le feu de l'enfer, il y demeurera d'une manière éternelle. Et donc là, Cheikh Al-Uthaymeen, il dit donc l'éternité est évoquée dans le Coran dans trois versets. Et là, il a mentionné les trois versets, comme on a dit. Donc c'est le verset 168-169 de la sourate Nisa, le verset 64-65 de sourate Al-Ahzab et le verset 23 de sourate Al-Jin pour ceux qui veulent se référer et revenir au verset pour avoir plus de détails à cela. Et dit ça, c'est une information de la part d'Allah et donc cette information est vérité. Et Cheikh, il dit dans ces versets, donc comme il nous est dit que ces gens, ils demeureront éternellement et qu'Allah nous préserve, hein, qu'Allah nous préserve du feu de l'enfer et du Jahannam et qu'Allah nous préserve de faire partie de ces gens et qu'il nous protège de cela. Mais il dit dans ces versets alors, il est dit que ces gens, ils demeureront d'une manière éternelle. Cela sous-entend, il dit, Lazima an yu'abbad al-makan. Ça veut dire que l'endroit s'implique que l'endroit, il demeure éternel. Il demeure éternellement. Elle a dit, Khulidoufi. Donc cet endroit où ils vont demeurer éternellement s'implique que cet endroit lui-même dure et perdure d'une manière éternelle. Ensuite, le prophète, sallam, donc après qu'il ait mentionné, Al-Jannatu haqq, Wan-Naru haqq, que le paradis est vérité et l'enfer est vérité. Et comme disait un pieux prédécesseur, un salaf, il disait, l'évocation de l'enfer m'empêchait de dormir. Il y a certains salafs qui n'arrivaient pas à trouver sommeil, qui n'arrivaient pas à dormir. Regardez, tellement lorsqu'ils se remémoraient cela, ils se rappelaient cela. Alors, pour certains d'entre eux, il nous est rapporté que les salafs, le fait de juste se rappeler de l'enfer, ça les empêchait de dormir. Et certains, il est rapporté que ensuite, ils se levaient. Et il priait Allah Azzawajal. Et c'est comme cela, certains arrivaient à faire Qiyam al-Layl, la prière nocturne, le fait de se rappeler cela. Vous avez vu, le croyant doit toujours se rappeler. C'est pour ça que les salafs, parmi leur manière de lire le Coran, lorsqu'ils récitaient le livre d'Allah, ce printemps-là, lorsqu'ils tombaient sur des versets où il y a l'évocation, par exemple, du paradis, alors ils invoquaient Allah Jalla wa Ala, qu'ils fassent partie des gens de ce paradis et qu'Allah Jalla wa Ala leur octroie cette rétribution et cette récompense immense, inestimable. Et lorsqu'il passait sur des versets dénotant le châtiment ou une punition, ou bien des versets évoquant le châtiment ou l'enfer, alors là, il demandait protection à Allah, Jalla wa Ala, contre l'enfer. Pour ça, il faut que le croyant, on demande sans cesse qu'Allah, Jalla wa Ala, nous rétribue par le paradis, hein, qui nous octroie cette promesse qu'est le paradis, et qui nous préserve et nous protège. Qui nous protège contre le châtiment du feu et contre le châtiment de l'enfer. C'est pour cela, remémorez-vous un hadith du prophète où le prophète ensemble dit qu'il y a des gens de sa communauté qui yadkhuluna al-jannah bighayri hisabin wa la adab. Il y a des gens de sa communauté qui rentreront au paradis sans jugement et sans châtiment. Sans jugement et sans châtiment. Bighayri hisabin wa la adab. Ils rentreront directement au paradis, directement au paradis. Ça, c'est un hadith immense. Qui sont ces gens? C'est les gens qui vraiment auront un tawhid. Donc là, je vous résume parce que pour avancer, puisque c'est pas le sujet, mais juste d'une manière globale, parce que le prophète a détaillé, hein, les caractéristiques de ces gens, mais d'une manière de globale, ici générale, c'est les gens qui vont avoir un tawhid parfait et complet. En quelque sorte, qui vont atteindre la complétude du tawhid, de l'unicité d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, d'où l'importance pour atteindre la complétude et l'excellence dans le domaine du tawhid, dans l'unicité d'Allah, subhanahu wa ta'ala, l'importance de l'apprendre et de le comprendre et de le mettre en pratique pour faire partie de ceux qui rentreront au paradis, ceux qui atteindront à la complétude, hein, la complétude, aller au paradis, bi'ayri hisabin, minhum, an yaj'alana minhum. Et on demande à Allah qu'on fasse partie de ces gens, alladhina yadkhuluna al-jannata bighayri hisabin wala adab. Donc après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, et donc le paradis est vérité et l'enfer est vérité, ensuite il disait was-sa'atu haqq, et l'heure aussi est vérité. L'heure est vérité. As-sa'a yani sa'atu al-qiyamah haqq. C'est-à-dire l'arrivée de l'heure. La budda an taqa. Et cela sous-entend, Cheikh Al-Uthaymeen nous dit, Lorsque le prophète Sam dit ça, ça sous-entend aussi que c'est inéluctable. Elle se produira. L'arrivée de l'heure viendra. La fin du temps, la fin des temps, la fin de ce monde viendra. C'est quelque chose d'inéluctable. لِأَنَّ اللَّهَ أَخْبَرَ بِهَا وَمَا أَخْبَرَ اللَّهُ بِهِ فَهُوَ حَقْ. Pourquoi? Parce qu'Allah a informé au sujet de cela. Et ce dont Allah Jalla wa Ala nous a informé n'est que vérité. Ne peut être que vérité. Et comme on a dit au début, lorsqu'on a dit la parole d'Allah est vérité, aussi bien ses impératifs, ses commandements, ses ordres, et cela implique aussi bien ses informations. Et Allah Jalla wa Ala nous a informé qu'il y aura la fin de ce temps, la fin de ce monde. Ce monde n'est pas éternel. Ce monde est éphémère. Ce bas monde, cette vie d'ici bas, elle est éphémère. Et c'est pour cela que il y a la fin. Donc Allah Jalla wa Ala nous a informé de cela. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, regardez, tellement que cela est important, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a mis parmi les six choses. Il a mentionné parmi les six choses qu'il a mentionné dans son invocation. وَمَا أَخْبَرَ اللَّهُ بِهِ فَهُوَ حَقٍ. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, regardez, il disait اللهم لك أسلمت اللهم لك أسلمت. Ensuite, après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait dit tout ça, regardez, après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait mentionné ces six choses, que sa parole, la parole d'Allah est vérité, ta promesse est vérité, ta rencontre est vérité, ton paradis est vérité, l'enfer est vérité, l'heure est vérité, après qu'il ait mentionné cela, les six choses très importantes qu'il faut apprendre, ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam, là, il disait « Allahumma laka aslamt ».« Allahumma laka aslamt ».« Ô Seigneur, pour toi, je me suis soumis ». Je me suis soumis, une traduction littérale. « Fi qawli laka aslamtu ma'amul muqaddam li ifadati al-hasr. Laka aslamt ay anqadtu inqiyadan tamman li shar'ik ». C'est-à-dire que lorsque le prophète sallam dit « Pour toi, je me suis soumis », c'est-à-dire que je suis soumis totalement à toi et à ta législation, à ce que tu m'as légiféré. Donc le prophète sallam, ensuite, après avoir cité ces six choses, ensuite, il professait sa soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on va se quitter sur ça, inshallah, et demain on continuera sur l'explication de cette énorme dua, de cette énorme dua, inshallah, et on essaiera de terminer l'explication de ce dua, de l'invocation, inshallah, et donc terminer le chapitre pour commencer un nouveau chapitre, si Allah nous le permet. Wallahu a'lam, wa billahi tawfiq, wa nasallaha tabaraka wa ta'ala an yaj'alana min al-faizina fi hadihi al-dunya wa fi al-akhirah, kama nas'aluhu jalla wa ala أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.